traverser ma ville avec l'espoir que l'on se réunisse. 20 ans de ma vie durant lesquels on m'a laissé y croire. Puis j'ai compris qu'on préférait se porter préjudice, rester près du vice et n'obtenir que des gains dérisoires. À frôler le précipice, une seule chose est sûre, on finira tous par tomber pour blessure. Car gravir des échelons, c'est faire de l'escalade. Et si mes potes m'assurent, cette mission ne sera qu'une escapade. Une formalité durant laquelle l'unité fait la force. Une idée qui s'amorce à force de voir mes potes alités. La brutalité de ce monde n'a pas d'égal. Et sans rassemblement, on pourrait perdre les pédales. J'ai beau avoir l'impression d'être unique, nous sommes des millions immatriculés par la République et traités comme des pions. Ce n'est pas seul que l'on réussira à s'en sortir. Je n'ai pas le seum, j'ai juste l'impression que ça peut être encore pire. You can't stop me. You can't stop me. Move with the force. I move with the force. With the force. With the force of many. Ces mots pélo, j'impose mon saut maudit. J'entends à chaque averse l'écho de ce que mon bro maudit. Solidaire, tolérant et fraternel, ouais. Plus le temps passe, moi j'entrape ce que ces gros maudits donnaient. Pour flatter son écho de polo, se tire le gros lot. Fais passer le collectif avant le solo. Toujours une page à griffon et tocos, quel que soit le coloris. La charité est un rictus volé derrière des larmes de crocodile. Horizontal et tous au même niveau. J'empile quelques mots sans thème pile. J'enchaîne en 4-4 cadence. Tu sais qu'on pèse quand toute la salle s'avance. Pas de vacances pour ceux qui s'entraînent et qui s'engraine, aucun écart de latence. On arrive à pas de géant. On est bien plus fort ensemble. On fout le feu en plein océan. Et tu ressors en cendres. J'endosse le rôle de celui qui travaille et gueule. Même si le rythme est obsédant, je ne ferai pas cavalier seul. You can't stop me. You can't stop me. Move with the force. I move with the force. With the force. With the force of many. L'espace, l'étranglement, on se regroupe pour lâcher prise. Espace et les tremblements, tu as l'isolement. Visualise seulement qu'on reste capable de disparaître. Qu'on n'est rien sans lien, mais rescapé te disparaît. Paraît que l'abandon donne naissance aux communautés. Sans dire qu'il abandonne, mais sans nul n'aurait connu nos textes. Où on partage des valeurs, des barres de rire. Donc va leur dire qu'ensemble on ira loin, même si on part de rien. Car tout est possible si je m'allie à mes associés. Avec mon boss et on négocie la ligne grâce au ciel. Et si je les perds, je serai qu'un tas de molécules vides. Tant qu'ils remplacent mon père, c'est que je m'en tape qu'on ait qu'une vie de rêve. Aux côtés des frères qui m'entourent. Pour les vrais, j'ai capté que je pourrais faire quasiment tout. Donc à quoi bon marcher seul, sans prendre soin des autres. Alors qu'ainsi l'un de peut aussi devenir l'un des nôtres. Du quest